parle-moi de ce que tu ressens dans la vie, tu vois. Qu'est-ce que tu penses? Comment faut-il. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on ne veut pas être raciste? Moi, je pense qu'il faut pas être raciste dans la vie. Vas-y, continue. C'est pour ça que j'aime bien baiser avec un zèbre. Parce que. C'est-à-dire qu'il me satisfait de tous les côtés. Ouais, c'est bien. Et puis, tu vois. C'est-à-dire que bon. Il y a la taille d'un noir, tu veux, mais il y a aussi la douceur du blanc, tu vois. Et je sais pas pourquoi, mais franchement, j'aime baiser avec un zèbre. Et te considères-tu non-raciste quand tu couches avec un zèbre? Oui, je trouve que c'est une totale liberté d'esprit. Puis je trouve que c'est bon, voilà quoi. C'est... Parce qu'ils sont noirs et blancs, c'est ça? Ouais, voilà, tu vois, si tu veux, ils sont noirs et blancs et il n'y a pas de racisme. Sauf pour les Indiens, mais on s'en fout. T'as l'entend trop et on va y laisser ça. Je sais. Mais putain, même je sais, ça m'étrangle. Et tu devrais t'approcher le micro parce qu'on entend rien. Tu as la bite pleine de poids. Hein. Ah, j'avais pas vu. Ah, tu trembles. Non, c'est pas vrai d'abord. On est tout seul, on n'est pas tout seul, non. Moi, je suis seul, mais seulement, je suis jamais seul. Mes zombies, mes amis sont juste sans moi. Il est chaud. Ah, non, pas au visage. Déjà, j'ai mon dos qui a fondu. Non, pas lui encore, il fait trop chaud. Tu rougis du bras droit et verdis du gauche. Je dois être jeune au milieu. J'ai le ceinture qui clignote. Oh merde, j'étais du noir, du coup maintenant j'ai le ceinture qui clignote parce que je me suis trompé, il faut éteindre la lumière. Regarde-moi dans les yeux, Silver. Tu fais peur. Bah, Silver. Attends, ça me fait trop chier. J'ai trop une voix de merde en ce moment, ça me fait trop chier d'en mettre de cul, bite molle, sac à couille de mec. Mais vas-y, prouve-le, c'est une bite molle. Silver, j'ai encore le regard. Oh merde, j'ai oublié mes yeux dans le tiroir, merde. Silver, ton crâne est creux. Mais où sont mes lunettes? Il faut que je m'en tire mon pouce. Ah, il faut qu'on m'arrose. Ton cœur me fait peur, je pique. Oh, Rose, on va se retrouver. On va attendre que je transforme. Ça fait mal. Non, ne me dis pas ça. Je sais que ces gens existent. Tu sais. Mais non. Mais non. À qui est ce signe sur tes vêtements? Il est à toi, je le sais, tu ne pourras pas mentir, je sais qu'il est à toi. Oh, je te disais, non, tu me fais peur. Non. Non, non, non, on va pas tirer. Ok, je vais arrêter de traîner avec des gondettes. Je vais me faire chasse. Si vous voulez, mais laissez-moi tranquille. Pitié, prends tout le temps quand on enregistre ça. Je sais même pas pourquoi j'enregistre ce truc sous visage. S'il vous plaît, laissez-moi. Mais,